Leçon 3. Activités 2 et 3. Page 38. Piste 28. Tu sais, il y a différents types de téléphones. Oui. J'ai un téléphone fixe à la maison. Et toi? Pareil. Et ma maman, elle a un téléphone basique. Elle peut téléphoner et envoyer des textos. Ah, mon père a un smartphone avec écran tactile. C'est génial. Il peut surfer sur Internet et prendre des photos. Oui, c'est super pratique.